Ah, il nous avait dit qu'il ne venait pas pendant 2 semaines, les veillettes. Tu sais, il nous l'avait dit, quand il était parti la dernière fois, on était 2 semaines sans venir. Prendre des pelouses. Ah, il nous l'avait dit ici, là. Il nous l'avait dit ici. Ouais, là, je viens de me revenir. Il n'y a pas juste les pépins qui ne venaient pas, il y avait tous autres aussi. Donc, OK. Et nous allons commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, comme quelqu'un disait ce matin, la meilleure façon de faire face à tout cela, c'est de relire les Écritures, d'étudier les Écritures constamment, afin d'être capable de discerner qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est le seul et unique moyen que nous avons, connaître la vérité. Et la vérité, c'est une personne, c'est la personne de Jésus. Donc, en étudiant les Écritures, on étudie la personne de Jésus, la personne de Dieu. Conduis-nous, et on te prie que les encouragements que Paul va donner à Timothée puissent aussi nous encourager à persévérer, à garder le cap jusqu'à temps que tu viennes soit nous chercher ou chercher ton Église. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je vais faire lire le deuxième chapitre de l'Épître à Timothée, la deuxième Épître. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. On est dans la deuxième épître, et dans la deuxième épître, on a l'apôtre Paul, qui on a vu ensemble la semaine passée, dans quelle situation il était. Il est en prison, il est, semble savoir que sa vie tire à la fin, parce qu'il dit, j'ai terminé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Donc il sait qu'il est à la fin, et on pense que dans cette période-là, Paul va mourir martyr pour la foi. Et en même temps, on a vu qu'il était abandonné de la majorité des gens. Il s'est retrouvé seul avec Luc. Et il, en plus, il semble avoir des nouvelles que Timothée passe par une période difficile. Donc, ça, c'est l'apôtre Paul. Donc, sa situation influence ce qu'il va dire et comment il va le dire. Okay, ça, puis on est tous de même, là. On veut qu'on ne veut pas, on est tous de même. On est tous des gens influencés par nos situations. Et donc, c'est la situation de nos vies change. Hop, tout d'un coup, on ne parle plus de la même façon, on n'a plus les mêmes priorités, on cherche des choses qu'on n'a pas cherchées avant parce qu'on est dans une autre situation. Et en même temps, il va parler à Timothée, non pas comme il aurait pu parler de Timothée dans d'autres livres de la Bible. Là, il parle à Timothée qui... lui aussi passe par un temps difficile. On a vu que Timothée, en tout cas, il versait des larmes, on n'est pas sûr à 100% pourquoi il versait des larmes, mais Paul lui dit, « Je me souviens de tes larmes. » Donc, quand je m'adresse à quelqu'un, à lui dire, « Je me souviens des grands moments de joie qu'on avait, bien, ça va influencer ce qu'il va dire. » Mais là, il dit, « Je me souviens de tes larmes et je prie pour toi. » Donc, il y a une corrélation entre ce qui se rappelle de Timothée et la prière qu'il fait pour Timothée. C'est automatique. Si je me rappelle ton mariage, bien, je vais avoir des bons souvenirs, puis je vais peut-être prier des choses qui vont... Mais si je me rappelle ta mort, ça va être d'autres choses aussi. Donc, il ne faut pas oublier les deux situations, les deux personnages. Paul et Timothée ont besoin, les deux, d'être encouragés. Puis ce qu'il dit, j'ai hâte que tu viennes me rejoindre et que je me réjouisse avec toi. Donc, on a vu qu'il avait été aussi... Onésiphore l'avait souvent consolé, dit Paul. Donc, Paul aussi est un être humain. Paul aussi avait besoin d'être consolé des fois. Donc, faut lire le texte dans cette optique-là. Sans ça, on va plutôt prendre le texte et essayer d'emmener un chrétien qu'on croit un bon chrétien à devenir un super bon chrétien. Donc, c'est ça qu'on va faire si on ne fait pas attention. Donc, le verset 1 commence en disant « donc ». Quand on voit un « donc », c'est parce qu'il y a quelque chose qui a précédé, là. On a vu qu'il a dit dans le chapitre 1, à la fin du chapitre, « n'aie pas honte de moi et du témoignage à l'entre au Seigneur Jésus-Christ ». Et là, il dit « moi, je n'ai pas honte, et Onésiphore non plus n'a pas eu honte ». Donc, qu'est-ce que tu dois faire quand tu te sens dans cette position-là, quand tu vois que tu as des difficultés spirituelles et que tu as de la difficulté à te réjouir ou à d'être fier au lieu d'avoir honte? Parce que le contraire d'avoir honte, c'est « j'ai honte de ma fille » ou je vais dire « je suis fier de ma fille ». C'est souvent ça. Plutôt d'être fier, d'être un croyant, là, tu sembles avoir un peu honte, Timothée. Et tu as de la misère à prendre position. Pas juste honte de moi. Parce que s'il ne prend pas position même dans l'Église où ce qu'il est, ça démontre qu'il a honte de Paul qui a dit à l'Église, là, puis à lui, puis qu'il a honte de Jésus-Christ qui a dit à Paul l'Évangile. Donc, si tu as honte de prendre position dans l'Église pour la vérité, Bien, t'as honte de moi qui t'ai enseigné ça. Et t'as honte du Seigneur Jésus-Christ qui m'a l'enseigné à moi aussi. Donc, c'est le même principe que Jésus a dit souvent. Si quelqu'un vous fait du mal, c'est à moi qui fait du mal. Il y a un principe de base là, qui est vrai aussi dans l'Église. Donc, ce qu'il va dire dans le chapitre 2, c'est pour aider Timothée à changer sa façon de voir. Finir en disant, je suis fier d'être un croyant, je suis fier de Paul. Puis je n'ai pas honte de dire que Paul, c'est mon mentor, c'est mon professeur, c'est celui qui m'a amené l'Évangile. Puis Jésus-Christ, c'est mon roi, c'est mon sauveur, je n'ai pas honte. Donc, il lui donne des moyens ou des principes pour l'aider à aller de l'avant. Et il va le dire d'une façon positive et négative. Il va montrer les deux facettes de la même pièce de monnaie. Des fois, il va parler d'une façon positive. Des fois, il va parler d'une façon plus négative. Donc, c'est ce qu'on fait aussi quand on enseigne, généralement. Quand on éduque nos enfants, on leur donne du positif négatif. Si vous faites juste du positif, ça vous fait des enfants pourris. Si vous faites juste du négatif, ça vous fait des rebelles, soit. Donc, il faut avoir un équilibre entre les deux. C'est ce que la Bible fait, je dirais, tout au long de son histoire. La première chose qu'il va lui dire au verset 1, « Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Si je te dis, le médecin, tu vas voir le médecin, puis tu dis, François, là, tu te fortifierais, là, un peu. Là. La première question, vous allez te poser, tu dis, ben, dans quoi? Vous, je fortifie quoi? Mes muscles, mes os, qu'est-ce que vous voulez que je fortifie? Là, il va te dire, ben, tes muscles, ben, comment vous voulez que je fasse ça? Il va te donner, peut-être, faire de la marche, faire un peu d'exercice, manger peut-être différemment, et il va te donner. Mais quand on dit qu'on doit se fortifier, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Comment on fait ça? Comment on fait ça, se fortifier? Si je vous dis ça ce matin, bien, si on se le dit à chacun de nous, la Bible elle nous dit, on va faire quoi cette semaine avec ça? On s'en va dans le bois pour couper un arbre? C'est pas ça qu'on va faire, hein? Qu'est-ce qu'on va faire si on veut se fortifier dans la grâce qui est en Jésus? Donc, si c'est en Jésus, cette grâce-là, parce qu'il dit « fortifie dans la grâce qui est en Jésus », ça sous-entend quoi? Il faut que je m'approche de Jésus. La source de la grâce, c'est Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, je pensais que ça dirait de méditer, c'est quoi la grâce? S'arrêter sur grâce. Mais comment je vais savoir? Il faut que je m'en aille à la source de la grâce. Oui. La grâce, c'est une personne. C'est pas quelque chose, la grâce. Là. Ça ne t'ouvre pas dans le garde-robe, la grâce. Nulle part. C'est une personne, la grâce. Comme l'amour, c'est une personne. La vie, c'est une personne. La vérité, c'est une personne. C'est toujours la même personne. C'est la personne de Dieu, de Jésus. Donc, si je veux me fortifier dans la grâce qui est en Jésus, il faut que je m'approche de Jésus d'une façon quelconque. C'est pas le choix. Parce que si je me tiens loin de Jésus, qui est la source de la grâce, ben, je ne peux pas me fortifier là-dedans. Si je dis, quand on était jeune, un docteur qui venait à la maison dans le temps, je suis de l'époque où que les médecins venaient encore à la maison. Et le médecin, il disait à ma mère, Madame Nolette, donne-leur du lait de femme mourue. Donne-leur du lait de femme mourue à tous les jours. Ça paraîtra pas tout de suite, mais mec, il pogne l'adolescence de la voix, ça va faire des hommes forts. Mais. Si ma mère, elle ne s'approchait pas de la bouteille et qu'elle n'en donnait pas, ça ne faisait pas. Elle l'avait entendu. Mais si elle n'allait pas chercher la bouteille et m'en donner une cuillère à soupe à tous les jours, ça ne faisait pas d'effet. Mais si je dis qu'il faut que je me fortifie dans la grâce qui est en Jésus-Christ, si je ne fais rien avec ça, ben je ne vais certainement pas me fortifier. C'est impossible. C'est la façon dont lui il parle ici. Donc, qu'est-ce que Timothée va faire pour se fortifier? Comment est-ce qu'on fait ça, se fortifier dans la grâce qui est dans Jésus-Christ ou dans la personne de Jésus-Christ qui exprime sa grâce? Parce que c'est ça qui semble la vertu qui veut qu'on, que Timothée s'approche, c'est la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est pas la force, c'est pas la puissance qui est en Jésus-Christ. Parce qu'il aurait pu dire ça. Approche-toi, fortifie-toi dans la puissance qui est en Jésus-Christ. Le sens, ça y ira bien, hein? Fort, puissance. Mais il dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et vous souvenez que l'apôtre Paul a dit une fois, pour lui-même, ta grâce me suffit. Ma grâce, ce que je sais de ta grâce me suffit pour accepter la difficulté, la souffrance et d'aller de l'avant. Donc, la grâce dont il parle ici, c'est comment Jésus-Christ a-t-il exprimé sa grâce envers nous, envers notre personne, envers chacun de nous. Médite comment Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers toi. Plus je médite sur ce que tu m'as fait comme bien, plus je vais te porter à vouloir faire de quoi pour toi. Est-ce qu'on peut penser à la croix, François? Ben oui, ça va dans cette direction-là. C'est là qu'il va manifester sa grâce envers le pécheur. Mm-hmm. Mais plus je médite sur le bien que tu m'as fait, plus je vais être quasiment incapable de te dire non. Mm-hmm. Plus je vais vouloir faire de quoi pour toi. Si je fais rien pour toi, après tout le bien que tu m'as fait, tu vas dire, il est bien ingrat, donc. Après tout le bien qu'on lui a fait, il m'abandonne pareil, il ne m'aide même pas. Mais il dit, si tu veux avoir la capacité de ne pas avoir honte, de prendre position dans l'Église ou ailleurs, mais il dit, médite sur ce que lui a fait pour toi. Amen. On n'est pas une société qui médite. On est une société de consommation. Nous autres, on consomme. C'est comme ça qu'on oublie nos mal, nos peurs, nos craintes. On consomme. On consomme, on consomme. On se fait divertir plutôt de méditer. Il y a certains peuples, certaines époques, qui étaient plus dans leur culture de méditer, de s'asseoir et de méditer, de penser, de réfléchir. Aujourd'hui, on est très, très actif. On essaie de ne pas réfléchir. Le moins possible. Donc, il dit, apprends. Vous vous souvenez que ce que Josué est devant la terre promise. Et il est allé, lui. Josué est allé avec Caleb sur la terre promise, hein, avec les espions, là. Il a vu l'impossibilité humaine de prendre le pays de Canaan. Il a vu les murailles. Il a vu les géants. Il savait très bien, il était pas fou le gars, là. Il était intelligent, là. Il était aussi intelligent que les autres. Là. Les 10 autres ont dit, impossible là, de prendre cette ville-là, c'est possible. Puis Dieu dit à Josué, prends un rouleau de la Bible, médite-le jour et nuit, et va faire ce que je t'ai dit. Mais bon, va te fortifier dans les Écritures, dans ce que j'ai fait, dans ce que je vais faire, et vas-y, va faire ce que j'ai. Parce que c'est moi. Tu vas voir les Écritures que moi, je vais là avec toi, puis je vais te donner le pays de Canaan, parce que je l'ai promis à Abraham. J'ai promis à Abraham que je te donnerai ce pays-là. Donc, vas-y. Tu ne sais peut-être pas comment je vais m'y prendre. Je vais te le montrer en t'en allant. Puis à un moment donné, il va dire, ben OK, là, tu vas le faire le tour de la ville 7 fois, puis tu vas faire ci, tu vas traîner l'Arche de l'Alliance avec toi, puis les murailles vont tomber, puis tout ça. Mais il avait bien dit, médite. Ma parole jour et nuit. Et tu vas être capable, ça va te fortifier de décider de faire ce que je t'ai dit, de marcher comme je t'ai demandé. Donc. C'est parce que le Saint-Esprit se sert de la vérité pour nous fortifier. Oui, c'est ça, mais il faut qu'on lui donne les vérités au Saint-Esprit. La main gauche. Saint-Esprit peut sauver des gens, mais les gens, s'ils n'entendent pas l'Évangile, ils ne sont jamais sauvés. Il faut que je donne l'Évangile pour que le Saint-Esprit utilise l'Évangile que j'ai donné. OK? Ce matin, j'étais déjeuner avec ma famille, puis il y en a un qui a ouvert une porte. Je suis rentré dans la porte, puis on a parlé de Moïse. Il a ouvert une porte avec Moïse, je ne me souviens pas de tout, le déclencheur. On a remarqué à passer, mais En m'en revenant avec l'auto, je priais que l'Esprit utilise ce que j'ai dit. Mais je ne pouvais pas prier que l'Esprit utilise ce que j'ai dit si je ne dis rien. Je ne pourrais pas dire, Seigneur, sauve ma famille, puis je n'ai rien dit. Ça ne marche pas, c'est inconséquent dans ce sens-là. Donc, ici, c'est la même chose. Il dit, va auprès de Jésus. On sait que Jésus n'est pas là physiquement. Va auprès de Jésus à travers les Écritures, à travers la parole, et médite sur sa grâce. Pense à sa grâce. Réfléchis, et ça va te fortifier. Et tu vas savoir, là, je vais vous donner l'autre côté de la médaille, tu vas savoir que tu es fort. Il y a une façon de se mesurer. Hein? Tu prends les hommes forts, tu sais qu'on faisait pour les mesurer. Il avait l'air gros et fort, mais on ne les croit pas sur parole. Ils prennent un poids, puis là, ils lèvent le poids. Oh, il est fort! C'est le poids qu'ils lèvent qui nous dit, c'est pas juste de la graisse, c'est pas juste du vin, il est vraiment fort. Comment je vais savoir que je me suis fortifié? Comment Timothée va savoir qu'il va passer de la honte à la fierté? C'est le verset 2. C'est le verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres hommes. Tu vas parler, tu vas le dire à d'autres. Tu vas le transmettre à d'autres. Parce que si tu as honte, si tu n'es pas fier de moi, tu ne le diras pas à personne. Tu ne prendras pas position dans l'Église. Tu ne le diras pas. Tu vas plutôt te taire. Mais si tu te fortifies, tu vas savoir que tu es fort quand tu commences à le dire à l'autre. Tu vas savoir que tu es convaincu quand tu vas commencer à le dire aux autres. Tu sais, c'est quand tu es convaincu qu'une pilule est bonne, tu vas finir par le dire à tout le monde que la pilule est bonne, ça m'a fait du bien, la pilule est bonne, ça m'a fait du bien. Ou si ton char était bien satisfait de ton auto, tu vas finir par le dire aux gens, hey, j'ai une bonne auto, ça a bien fonctionné. On finit, c'est ça qu'on fait habituellement. On est des êtres humains, là. Hein? Puis quand qu'on est fier de quelque chose, ben on le dit à tout le monde, on appelle ça des fois l'orgueil, là, mais ça fait partie de ça. Puis quand on est fier de Jésus-Christ, mon ami, on le dit. On dit aux gens, hey, c'est comme ça, moi je crois ça, là, c'est ça que la Bible a dit, c'est ça que Jésus a dit. Là, puis, on est fier de s'identifier à la personne de Jésus-Christ. Dans ces moments-là. Donc, il dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, donc il n'était pas toujours seul avec toi, tu l'as entendu quand il parlait aux églises, quand il prêchait, quand il enseignait, une gang alentour du feu le soir, mais je vois facilement l'apôtre Paul assis autour du feu le soir, puis il parlait aux chrétiens qui étaient avec lui, à jaser, parce que c'est ça qu'il faisait, il se déplaçait à pied souvent. Donc, et il dit, tu vas le confier à d'autres. Nous autres, on a souvent fait pris ça ici pour faire des disciples, des pasteurs, former des pasteurs, la relève. Oui, c'est vrai, mais c'est fait aussi pour tous les croyants. C'est fait pour tous les croyants. On l'a fait, la plupart d'entre nous, on l'a fait avec nos propres enfants. On leur a dit à nos enfants qu'est-ce que la Bible disait. On était fiers de croire, on leur disait aux enfants, c'est ça que Dieu a fait, Dieu a créé le monde, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, Dieu a fait ci. On était fiers. Et, c'est la même chose quand on sort de la maison, on continue à le faire, ou on va à l'église, on le dit aussi. Donc, il dit, dis-le aux autres qui vont le transmettre aux autres. Donc, il y a une espèce de continuité qui fait, mais si dans la position que Timothée est, quand il reçoit la lettre, il n'est pas prêt à le faire. Donc, il est dans un état de faiblesse. C'est ça qu'on va voir dans l'autre chapitre, plus loin, il va dire, reprends, Timothée, censure, Timothée, enseigne, Timothée. En bas, il dit, afin que les gens se repentent et se dégagent des pièges du diable. On l'a vu à la fin du chapitre. Mais si tu ne le fais pas, ils ne pourront pas se dégager des pièges du diable. Ils ne pourront pas le faire. Donc, fais-le, dis-le. Dis-le. C'est ça qu'il va dire au verset 3 ensuite. Hein. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Remarquez bien, il va dire trois choses. Il va donner trois exemples. Et les trois exemples vont dans la même direction. Il fait juste employer des exemples différents pour bien comprendre le principe. Parce que l'implication de se fortifier et d'enseigner ce que Paul avait enseigné impliquait de la souffrance. Impliquait qu'il y aurait un rejet de la part des gens. Impliquait que les gens, comme Paul lui-même, il est en prison. Il dit, bon, si j'enseigne ce que Paul a enseigné, ben, il y a des gens qui n'aimeront pas ça. Il y a des gens qui vont me repousser, des gens qui vont m'abandonner, parce que Paul lui-même, il dit, il y en a qui m'ont abandonné, pour différentes choses. Donc, il y a une forme de souffrance qui est sous-entendue. Sauf avec moi, pourquoi qu'il lui dit ça? Vous allez voir qu'il va dire, fortifie-toi, sauf avec moi, souviens-toi. Là, il va donner beaucoup d'impératifs dans ce sens-là. Là, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Pourquoi je te demande ça? Parce que si tu n'acceptes pas de souffrir, il va se produire quelque chose. Là, il donne des exemples. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Hein, c'est des jeunes, tu engages des soldats. Les soldats sont toujours en train de penser ce qui se passe en maison chez eux. Puis ils se font du souci pour la maison en arrière, mais ils ne voient pas venir la balle qui s'en vient en avant, ils ne voient pas venir l'ennemi qui s'en vient en avant. Si tu veux plaire à ton maître, il dit ben, je vais vous donner une petite raison, vous allez comprendre. Quand on engage les soldats, on prend ceux qui ne sont pas mariés d'habitude, qui n'ont rien, ils ne possèdent rien, ils sont 18, 19, 20 ans. Pourquoi? Ils n'ont pas d'attachement autant que les autres. Ils n'ont pas accumulé leur bien, leur famille, leurs enfants. Donc, ils sont plus libres de penser. C'est une idée derrière ça. Donc, il dit, là, il va, pour qu'on comprenne bien, et, là, il rajoute un autre exemple, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Vous savez comme moi, avez-vous déjà vu ça des courses aux Olympiques? Il y en a un qui sort de son corridor. Mais un pied en dehors de son corridor, même si ça arrivera 10 secondes avant les autres, il est éliminé. Il n'y a pas de couronne. S'il est parti une seconde avant que le fusil fasse paf, il est éliminé. Faut que tu suives les règles si tu veux recevoir la médaille. OK? Puis le troisième, il dit le laboureur qui peine, qui travaille avec peine, qui se donne, qui travaille d'une façon permanente, continue, doit être le premier à recueillir les fruits. Si tu ne travailles pas avec peine, tu ne vas pas recueillir le fruit de ton labeur. Il faut que tu le fasses, il faut que tu persévères. Avez-vous déjà fait un jardin? Hein? Le plus facile, c'est de mettre la graine dans la terre. Après ça, c'est une autre histoire. Là, les mauvaises herbes s'en mêlent, la température s'en mêle. C'est ça. Finalement, tu as passé des heures dans ton jardin avant de manger ta tomate ou ta patate. Mais si tu ne persévères pas tout l'été dans ton jardin, en septembre, tu as juste les bêtes à patates vont aller manger toutes tes patates. Tu ne vas pas recueillir le fruit. Donc, ce qu'il est en train de dire avec moi, Paul est en train de dire à Timothée, si tu n'acceptes pas de souffrir avec moi, tu ne recueilles pas le fruit. Tu ne persévéreras pas et tu ne recueilles pas le fruit. Donc, toute cette texte qui est en train de dire, si tu continues dans cette ligne de pensée d'avoir honte du témoignage de rendre à Jésus-Christ et à moi, son prisonnier, tu n'iras pas jusqu'au bout de la course. T'es mieux de te fortifier. T'es mieux d'accepter la souffrance jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la course. C'est ce que Paul va dire lui-même. J'ai terminé la course. Je n'ai pas arrêté au milieu, je n'ai pas arrêté au trois quarts, je n'ai pas arrêté au 7-8e. J'ai terminé la course et la couronne va m'être donnée. Et si je ne persévère pas jusqu'à la fin, le restant de la course était. Tu sais, si tu cours un marathon de 42 km, tu arrêtes au 41e kilomètre, mais tu ne gagnes pas. Alors j'ai couru 41, t'es moins une petite au moins. Non, tu n'as pas fini. Puis là, il dit à la fin, « Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Comprends ce que je te dis. Si tu ne t'offres pas la course, tu ne pourras pas récolter le labeur, ton travail. Si tu marche pas selon les règles comme l'athlète, tu ne seras pas récompensé non plus. Si tu ne fais pas, si tu ne combats pas comme un bon soldat, tu ne vas pas plaire à ton maître. Donc, automatiquement, il est en train de dire à Timothée, « Timothée, il faut que tu comprennes ce que je dis. » Tout le monde comprend. Le principe est facile à comprendre. Toffe, mon Timothée. Mais tu vas toffer seulement si tu acceptes de souffrir avec moi. Si tu n'acceptes pas ça, tu vas lâcher en cours de route à quelque part. Et c'est souvent, comme je vous l'ai dit à quelques reprises, la plupart du temps, c'est pas que les gens carrément abandonnent ce que nous autres avons dit, on va abandonner la foi. Bon, il a quitté l'Église et puis il reste chez eux, il ne fait plus rien. C'est pas tout à fait ça qu'on parle ici. Parce que les gens avec lesquels Timothée doit se battre, qui doit reprendre, afin qu'il s'amène à la repentance, sont dans l'Église. Donc, ils ont abandonné la foi étant dans l'Église. C'est ça qui est le plus dramatique. Donc, si Timothée ne prend pas position, et ne, comme on a vu dans la première épître, tu vas te sauver toi-même et ceux qui t'écoutent. Si Timothée ne prend pas la décision de reprendre, et de censurer, et de corriger, et d'instruire, avec patience, avec amour, l'Église s'en va dans le fossé. Il faut que tu fasses, Timothée. C'est ça qu'il va ramener, là, on va le lire. « Je suis prêt à faire tout pour les élus. » Donc, si je veux que l'Église avance et que l'Évangile soit prêché, je suis prêt à mourir s'il le faut, je suis prêt à souffrir s'il le faut, pour que ça arrive jusque-là. Donc, au verset, il dit « Fortifie-toi, tu vas savoir si tu es fort, si tu continues à transmettre aux gens ce que je t'ai donné, là, si tu fais ça, tu es fort, OK? » T'es en pleine forme, t'es fier, tu transmets ce que je t'ai donné. Et après ça, il dit, mais ça ne sera pas sans souffrance. Et si tu acceptes de souffrir, tu vas recueillir le fruit de ton labeur. Comme moi, la couronne de vie, la couronne de justice, qu'il appelle dans l'épître ici. Mais si tu ne le fais pas, il ne faut pas t'espérer, Timothée, que tu vas recevoir la couronne. Ça ne marchera pas comme ça. Ce n'est pas que tu mérites le ciel ici. Non. Tu ne gonges pas. Tu ne gonges pas ta justification par les œuvres. Non, on sait ça, on t'a vu dans la foi que c'est pas de même que ça marche. OK? Mais la façon dont il parle ici, si tu veux recevoir le prix de cela, il faut que tu y ailles jusqu'au bout. Tu ne peux pas arrêter au milieu du chemin. OK? Il ne faut pas t'arrêter au milieu du chemin, moi, Timothée. Là, il dit au verset 8, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est encourageant pour Paul de pouvoir dire ça. Moi, je t'attachais après le mur, c'est dans la prison. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Elle, si elle est prononcée, si elle est dite, si elle est proclamée, elle traverse les murs, puis elle continue. C'est pour ça que même en prison, on pense que c'est dans cette, peut-être une de ces fois-là qu'il était en prison, qui a conduit Onésime au Seigneur, puis qu'il s'est converti, puis qu'il l'a retourné voir Philémon. La parole de Dieu n'est pas enchaînée. Elle n'est jamais enchaînée. Donc, c'est... Il y a une petite mouche, hein? J'ai voulu se promener. Ah ouais, là tu me la donnes à moi. T'as-tu vraiment là? Oui. Ah oui, je l'ai vu. Donnez-moi pas la main après. Hein. Excusez-nous. Il dit souviens-toi. De Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Ça, c'est fortifie-toi tout à l'heure. Hein? Fortifie-toi, souviens-toi. C'est pour ça que je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Donc, c'est la raison pour laquelle il est en prison. J'ai proclamé l'évangile partout, dans les synagogues, dans les églises, dans les rencontres, partout où j'étais, j'ai proclamé l'Évangile, hein, et je me suis ramassé en prison. Donc, mais la parole de Dieu n'est pas liée, elle n'est pas attachée. On a tous des histoires de gens qui se sont convertis là, d'une façon presque miraculeuse, qui ont trouvé des pamphlets d'un grenier, qui ont ramassé des bibles dans Gédéon, dans des chambres d'hôtel, puis ils ont été comme sensibilisés, puis finalement se sont convertis, puis d'autres qui... La parole de Dieu n'est pas liée. Mais elle devient liée si les personnes arrêtent de parler. Mais écoute, qu'elle est proclamée, à part, elle est dite. Mais si on se tait, c'est pas la prison qui a arrêté Paul de proclamer la vérité. C'est ça qu'il dit que la parole n'est pas liée. C'est parce qu'il n'a pas arrêté de parler dans la prison. Il a dit, je vais m'affarmer pour 6 mois, je vais peut-être sortir d'ici. Je vais peut-être m'affarmer pour 6 mois. T'sais. Pourquoi tu es dit? Je ne sais pas. Tu crois-tu, toi? Non, je pense pas, je ne suis pas sûr. Non. Il n'a pas arrêté de proclamer, même, il dit un peu plus loin, « Lors de ma défense, de ma première défense, tous m'ont abandonné. » Donc, devant, puis on le voit dans les Actes des Apôtres, devant Félix, devant Agrippa, devant Sanhédrin, il prêche l'Évangile, tout le temps. Ils n'allaient pas lier l'Évangile, mais les lier seulement si on ferme notre trappe. Nous, là, elle ne peut pas aller plus loin. Mais si elle est proclamée, elle n'est pas liée. Donc, c'est vraiment encourageant dans ce sens-là. Il dit au verset 10, il dit, « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » On a la tendance ici à penser que c'est l'évangélisation. Mais ce n'est pas juste ça. C'est toute la vie d'Église qui est en jeu ici. Parce que les élus vont entendre à travers l'Église. Si l'Église ne proclame plus l'Évangile, elle ne suit plus l'Évangile, les élus ne sont pas atteints. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est ça que Don Carson disait un peu. Il y a des églises aux États-Unis présentement qui disent, qu'ils proclament l'Évangile, mais quand tu écoutes ce qu'ils proclament, ce n'est plus l'Évangile. Ils ont changé l'Évangile. Ils ont changé pour toutes sortes de raisons. Et ils se présentent, c'est le mot « Église » qui est devant le bâtiment. Il peut y avoir des croix, mais il dit, quand tu écoutes ce qu'ils prêchent, ils ne prêchent plus l'Évangile. Puis là, il donnait des exemples de son époque, lui, quand il a fait ses cours. À cette époque-là, l'enfer n'existait plus. Donc, il dit, si on enlève l'enfer, est-ce qu'on a changé l'Évangile? Il dit, ben oui, on a changé l'Évangile. Donc, il dit, vous vous souvenez de la première question qu'on s'est posée ensemble? C'est quoi le minimum? C'est quoi le minimum qu'il faut que j'entende pour être sauvé? C'est-tu, Dieu existe? Je vais croire à Dieu qui existe. OK, je suis sauvé. Non, il faut un petit peu plus que ça. Okay? Je crois Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ah, OK, t'es sauvé. Ah non, il y a un petit peu plus que ça. Jusqu'où faut que je... C'est quoi qu'il faut que j'entende pour finalement dire « J'ai entendu l'Évangile et je peux être sauvé. » L'Esprit peut utiliser ça et me transformer. Donc, c'est... Quand Jésus a parlé à Nicodème de la nouvelle naissance, Nicodème n'avait pas assez entendu pour être sauvé. Il n'a pas été sauvé là. Il en a entendu un bout, puis il a continué, puis finalement, c'est lui qui va le mettre en tombeau. On présume qu'il s'est converti. Mais ça lui a pris 3 ans, peut-être, à entendre des choses, à voir des choses. Et finalement, espérant qu'il s'est converti, qu'il a entendu l'Évangile. On pense que oui. Mais c'est... Il dit à cause des élus, parce que les élus vont entendre l'Évangile par le moyen de l'Église. Par le moyen de l'Église. Il n'y a pas d'autre instrument. C'est intéressant, hein? C'est un petit peu de ce que je parlais ce matin... avec mes frères et sœurs, comment Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour montrer sa puissance. C'est ce qu'on parlait ensemble. Et Comment est-ce que Dieu a décidé qu'il prendrait l'Église qui est faible, l'Église qui est tout croche des fois, mais finalement, c'est à travers elle que l'Évangile va être proclamé et que des gens vont être sauvés, que les élus vont être sauvés. C'est intéressant de voir ça. Dieu se glorifie dans le fait qu'il prend le faible pour sauver des gens. Mais ce n'est pas les gens. Paul il dit, on porte ce trésor dans des vases de terre. Hein? On est des vases de terre, mais on porte un grand trésor qui vaut une fortune, si on peut dire ça. Et c'est à travers des vases de terre que Dieu présente son trésor au monde. Puis il dit, c'est moi qui vais recevoir la gloire de ça. Là. C'est normal, c'est comme ça que ça marche. Puis, j'ai donné l'exemple ce matin, c'est comme David qui se présente devant le grand Goliath. David, il dit, il regarde Goliath, je viens ici avec te combattre avec Dieu. Si je n'avais pas Dieu sur mon bord, j'aurais resté l'autre bord de la rivière. Je n'aurais pas traversé la rivière. Mais je viens parce que Dieu est avec moi. Donc Dieu reçoit la gloire. On a voulu donner la gloire à David. Et David s'est battu pendant pas mal de temps pour essayer de dire, non, c'est l'Éternel qui m'a donné la victoire. Parce que les gens ont tendance vite à dire, c'est à cause du pasteur, c'est à cause de l'évangéliste, c'est à cause de Billy Graham, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci. C'est toujours à cause de Dieu. Toujours à cause de Dieu. C'est jamais à cause des gens. Donc, peu importe qui on est, si l'Évangile n'est pas lié et qu'on la donne, la puissance de Dieu est disponible pour convertir, pour sauver les gens. Donc, ne vous apitoyez pas sur qui vous êtes, vos limitations, vos manques de capacité, vos manques de ci, vos manques de ça. Non, juste donner la parole. C'est pas vous autres qui sauvez, oui. C'est pas vous autres qui convertissez, c'est pas vous autres qui régénèrent, c'est pas vous autres qui faites naître de nouveau. Mais c'est votre responsabilité de donner, c'est ma responsabilité de donner l'Évangile aux gens qui nous entourent. Donc, il dit, c'est pourquoi je fais ça. Donc, il y a des élus, puis on va voir, y a-t-il des élus dans l'Église qui ne sont pas encore des élus, qui ne sont pas encore sauvés? Probablement. OK? Il y a encore des gens, parce qu'il va dire, alors, ils n'ont pas encore découvert la vérité, puis ils sont encore pognés dans les pièges du diable. Donc, il a fait des lits délivrés des pièges du diable. Donc, dans ce sens-là. Donc, c'est pourquoi, à cause des élus, cette parole est certaine. Verset 11. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. On pourrait résumer ça assez facilement, il y a trois versets, mais il y a juste une vérité dans les trois ici. Si j'abandonne Jésus-Christ, il m'abandonne. Si je le renie, il me renie. C'est pas bien compliqué, là. Si je ne persévère pas jusqu'à la fin, il le dit dans l'Épître aux Hébreux, « Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et je les ai abandonnés, puis j'ai fait une nouvelle alliance. » Donc Dieu, il ne faut pas le prendre pour un bonasse, il ne faut pas le prendre pour quelqu'un qui dit oh, « On peut faire ce qu'on veut, puis c'est pas grave, Dieu est bon, Dieu est plein de grâce. » Non, ça ne marche pas comme ça. Justement, sur le reniement ici, moi je me rappelle, on m'avait enseigné, même un petit peu de misère, si moi je renie Jésus, lui il est fidèle, il ne me reniera pas lui. Non, il m'enseignait ça, quand j'ai lu ça, j'ai dit, aïe, c'est pas ça dans tout. Oui, non, c'est pas ça qu'il dit ici. Hein? La première est plus facile. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Donc, si on est mort physiquement ou spirituellement, on est tous supposés être morts spirituellement avec lui. Et on va. Mais il y a implication aussi de mourir physiquement avec lui si c'est nécessaire. Okay? Donc, il y a cette implication-là, il cite aussi dans le texte. Si nous persévérons dans la foi, nous allons régner avec lui dans l'éternité. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc, à quelque part, là, il le fait. OK? Il le fait, là. Sans ça, ben, il ne marquerait pas. Mais si nous le renions, ça veut dire qu'on ne suit plus son enseignement. Si tu demandes à un témoin de Jéhovah s'il a renié Jésus, il va dire non! Ben non! Si tu demandes à un catholique s'il a renié Jésus, il va dire ben non, j'aime Jésus! Jésus, il ne dira pas ça. Même si vous demandez à un musulman s'il a renié Jésus, il va dire non! Jésus, c'est un prophète, un grand prophète. Mais il le renie dans ce que Jésus s'est présenté lui-même. Il renie ce que lui a enseigné. S'il a dit, bon, je suis le Fils de Dieu, je suis un avec Dieu, je suis descendu du ciel, puis Dieu, non, c'est juste un ange. Mais, ah, ben là, tu as renié Jésus. OK? Si tu dis, tu vas aller en enfer, tu dis, non, l'enfer, ça n'existe plus. Donc, je renie ce que Jésus a dit, je renie Jésus. C'est important de bien comprendre. C'est pas juste que je vais commencer à sacrer, puis dire, il va dire des mots qu'on appelle nous autres des sacs, ça n'a pas rapport avec ça, là. Je renie la personne de Jésus. Donc, c'est... Et on a tendance à le faire quand on a honte. Pierre, vous vous souvenez, Pierre? Dans la nature humaine, quand on a honte, on se retire en général. Si tu Timothée, si tu ne réagis pas, si tu ne fais pas de quoi, tu es sur la ligne jaune, tu es en danger, mon Timothée. Tu es en danger. Là. Il faut que tu te réveilles, que tu prennes une décision, et il faut que tu te lèves, là, tu peux dire ça comme ça, le dimanche prochain, puis tu te lèves et tu dises, voici ce qu'on croit ici. Voici ce qu'on croit ici, là. Même si les œufs revolent, ta mère revolent, dis ce que tu crois. Dis ce que je t'ai dit qui vient de Jésus-Christ. Espérant qu'ils vont se repentir, qu'ils vont se convertir. Puis quand il dit par après, si nous sommes infidèles, ça veut dire quoi ça? Oui, ça se ressemble un peu. Mais tu ne peux pas renier quelqu'un que tu ne connais pas. Si je renie Jésus, ça veut dire que quelque part, je l'ai avoué à un moment donné. Je ne peux pas renier une allégeance si je n'ai pas fait une allégeance avant. Donc, j'ai dit croire en Jésus, puis à un moment donné, j'ai dit que je ne crois plus en Jésus. OK? Parce que ça ne fait pas de sens, le texte. Là. Si moi, je deviens un infidèle, c'est-à-dire que je rejette la foi, le mot infidèle veut dire rejeter la foi, c'est l'ensemble de ce que Jésus nous a enseigné, lui, il va rester fidèle à ce qu'il a dit. Lui, il va rester fidèle. Tout est dans l'art, en québécois. Toi, si tu deviens infidèle à ce que tu as dit, lui, il va rester fidèle à ce qu'il a dit. Et tu es dans l'art. C'est ça que ça veut dire, là, l'histoire. Parce que lui, il ne changera pas d'idée, là. Toi, tu as changé d'idée, mon chum. Mais moi, je ne change pas d'idée, là. Si tu ne persévères pas avec moi, si tu ne prêches pas moi, si tu ne me dis pas moi, si tu renies ce que je t'ai dit, si tu enseignes la moitié de ce que j'ai dit, moi, je vais rester fidèle à ce que j'ai dit et tu vas être coupable de m'avoir abandonné. C'est sérieux dans le sens qu'il le dit à Timothée. S'il dirait ça à des gens que nous autres, on appelle des chrétiens charnels, tu sais, on dirait des chrétiens qui vivent un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Ça, on pourrait... Ça, c'est plus facile pour nous autres de comprendre ça. Mais il parle à Timothée, son enfant bien-aimé, son enfant légitime, celui avec lequel il a travaillé pendant peut-être une quinzaine d'années, qui a été son bras droit dans bien des occasions, il est rendu qu'il faut qu'il le dise à lui. C'est là qu'il faut s'imaginer à quel point l'Église d'Éphèse était en décadence jusqu'à certains points. Était dans la difficulté. Si Timothée a besoin de se faire dire ça, même tout le restant de l'Église après, qui est rendu là. Donc, faut pas penser que nous, on peut devenir infidèles, c'est-à-dire renier les choses qu'on a proclamées par rapport à Dieu, par rapport à Jésus-Christ. Si demain matin, tu arriverais à me dire... Ouais, ben Dieu est là, mais je ne suis pas sûr que c'est lui qui a créé le monde. Tu deviens un infidèle. Un infidèle. Il ne faudrait pas penser que si nous, on devient un infidèle, que lui va rester fidèle à nous autres. Hein? Si tu deviens un infidèle envers ta femme ou envers ton mari, puis là, il m'aime beaucoup, il va rester fidèle, pareil, c'est pas grave. Non. Même entre humains, on ne fait pas ça. Il ne faudrait pas penser que Dieu, Jésus est un bonasse et il va le faire lui. Non, on ne va pas penser ça. Donc, il dit à Timothée, fortifie-toi, rappelle-toi, souviens-toi, et persévère, mon Timothée. Lâche pas, tiens bien la ligne et va de l'avant avec ça. Si tu abandonnes, les conséquences sont éternelles et dramatiques. Remarquez bien, j'utilise jamais la question de perdre le salut. n'est pas un langage biblique, je ne l'utiliserai pas non plus. Et ici, c'est toi qui dois décider si tu crois ou si tu ne crois pas. C'est toi qui dois décider si tu suis. C'est toi qui dois décider si tu restes fidèle ou pas. C'est toi qui dois décider si tu persévères ou pas. Ce n'est pas à moi à te le dire, ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur. Mais l'exhortation ou l'encouragement, elle est sérieuse. Je dois m'arrêter personnellement quand j'entends ça. Vous connaissez mon histoire, quand les médecins m'ont parlé depuis 2-3 mois, je vous garantis, je me suis arrêté, puis je me suis assis, puis j'ai écouté. C'était assez important ce qu'ils me disaient, que je me suis assis d'écouter. Je ne vais pas dire, je vais ouvrir ma télévision, je vais dire, pendant que j'écoute le film, continue donc, docteur. Là. Ah oui, vas-y, vas-y. Ah non, ce que tu dis là. Non, c'était assez sérieux, c'était une question de vie ou de mort pour moi, là, littéralement. Et mon ami, ton téléphone, tu ne l'ouvres pas, mais il se fait bing, bing, bing, bing, bing. Tu n'écoutes plus, là. Tu veux juste écouter le docteur. Qu'est-ce qu'il te dit? Si je m'en vais chez nous et je ne fais rien avec ça, hein, je fais quoi, là? J'ai entendu, mais je ne fais rien. Il faut prendre ça au sérieux, que ce que Paul dit à Timothée et aussi, je crois, nous, en s'en allant. Rappelle, verset 14, rappelle ces choses. En conjurant, rappelle de quelles choses il parle, celles qu'il vient de nommer en haut, là. OK? Rappelle ces choses. Si tu ne persévères pas, comme le laboureur, comme l'athlète, comme le soldat, bien, tu ne récolteras pas le fruit. Si tu renies, et si tu ne persévères pas, bien, il va te renier aussi. Il ne faut pas penser que lui va changer d'idée parce que tu as changé d'idée. Il n'est pas comme ça, Jésus. Donc, rappelle ces choses en conjurant, en devant Dieu, qu'on évite. Là, il est en train de dire, essayons de bien comprendre comment c'est arrivé, là. Je vous l'ai dit l'autre fois, Timothée, quand Paul lui dit, Timothée, tu restes à Éphèse, tu redresses-moi cette église-là, là je parle en français, redresse-moi cette église-là, puis quand ça va être droit, ben, reviens me joindre à Rome, puis on va continuer la marche. Ça, c'est le Timothée qui laisse en arrière. 2 ou 3 ans plus tard, ça, c'est le Timothée qui est là. Qu'est-ce qui s'est bien passé entre les 3 ans? J'ai fait des colonnes chez nous. J'ai pris une feuille, 8,5-14, j'ai mis Timothée là, puis Timothée là, puis j'ai fait des points ici, là, entre les deux. Puis, qu'est-ce qui s'est bien passé pour que ça arrive là? Ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il s'est passé de quoi? Puis, c'est la même chose dans nos vies chrétiennes. Hein, c'est la même chose d'un couple, dans les relations. Ça part en flamme, en feu. Et tout d'un coup, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec les grands vœux du mariage? Du coup, ça s'éteint. Qu'est-ce qui s'est passé avec j'aime mon travail, tout d'un coup, je donne ma démission. Il s'est passé de quoi, là, entre les deux, là? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On aime mieux pas le savoir, puis on dit « change ». Bon, ben un autre, pour on s'en va à l'autre chose. C'est ce qu'on fait d'habitude. Si on s'arrête, on dit « qu'est-ce qui s'est passé? » Qu'est-ce qui s'est passé entre le Timothée d'Éphèse, quand Paul est parti, et le Timothée qu'on a ici dans la deuxième épître? Est-ce qu'on sait que la flamme a nous baissé? Bien, c'est ça qu'on voit dans la deuxième épître. Il a besoin d'être encouragé, fortifié. Paul n'était pas en train de dire, « Hey, Timothée, tu vas aller à telle église, là, je te dispatche là-bas, tu vas aller à Victo, tu vas aller parler là-bas, ils ont besoin d'aide, vas-y. » Là, il n'est plus là, là, il n'est jamais à Éphèse. Là. Il est là depuis là, puis il a de la misère à régler la situation. Là. Il a de la misère à régler la situation. Il s'est laissé probablement séduire aussi par les... C'est ce qu'on va voir à partir du verset 14, ici, en partie. Puis nous autres, ça va nous paraître un peu bizarre, hein, un peu même dans les nuages, un peu dans la brume. On a de la misère à comprendre ce qu'il est en train de lui dire. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Voyez-vous, la même honte, qui n'a pas à avoir honte, c'est le même mot rougir que je vous avais dit l'autre fois, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'iniquité ou dans l'impiété. Il va dire un peu plus loin, ça ronge comme la gangrène. Vous savez, c'est quoi la gangrène? Ça commence au bout d'un orteil, puis ça monte, mon gars, jusqu'à où ça peut aller. Ça ronge, jusqu'à temps que ça tue la personne. Donc, il dit, il faut, Timothée, que tu évites les disputes de mots. De qu'est-ce qu'il parle, là? Mais c'est-tu à Éphèse, ça, c'est-tu où qu'il y avait à Athènes, ça? C'est-tu la même place? Non. Non, OK, c'est pas là qu'il y avait des grands discoureurs qui se pensaient bien. Oui, il y en avait partout dans toutes les grandes villes d'universitaires dans ce temps-là. Mais ça, c'est toujours, on est toujours à l'intérieur de l'Église, on n'est pas à l'extérieur de l'Église. Oui, mais donc, ça, je le sais, mais... Il y avait peut-être des ces gens-là qui avaient fait des professions de foi, là, ouais. Qui étaient dans l'Église aussi. Oui, c'est des bains d'à côté. Là. Mais là, je dis verset 14, évite, il revient au verset 16, évite les discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans les piétés, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nom sont Hyménée et Philette. Voyez-vous, il y en a deux qui n'ont pas évité les discours. Ils n'ont pas évité les discours, profanes et vains, et ils sont tombés dans le panneau, ces deux gars-là, là, qui nomment là, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Qui renverse la foi de quelques-uns. Oh! Donc, les discours vains ici, c'est pas quand on parle de... J'essaie de donner un artiste là, que tout le monde connaît aujourd'hui. Moi, je ne les connais pas, fait que j'ai besoin de dire. Céline Dion. Ah ouais, un vieil à cette heure-là. Elle n'est plus vraiment à la mode parmi les jeunes. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas ici des 20 discours humains. Là. Tu disais des potins et toutes sortes de choses anodines. Non. C'est parce que les autres ici, ces 20 discours-là les ont emmenés à dire que la résurrection était déjà arrivée. Donc, c'est d'autres choses. Là. Donc, c'était des discours qui étaient, que c'était un point religieux ou spirituel. Parce que ça les a amenés à renier l'espérance de la résurrection des morts. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Je vais vous donner un exemple. Après-midi, on est ici, toute la gang, puis on dit, ben, après-midi, là, je suis fatigué, on ne fera pas de Timothée. On va discuter vraiment s'il y a un enfer qui existe ou pas. Si on va y aller ou pas, ou si les gens disent, on va discuter de ça. Moi, j'appelle ça un vain discours, un discours profane. Pourquoi? On n'a pas à discuter, la Bible a dit qu'elle existe. On n'a pas à discuter ça. On n'a pas à débattre ça. C'est clair, dans les Écritures, l'enfer existe. C'est ce qu'il dit au verset 15. Efforce-toi, au lieu de faire les 20 discours, les 20 profanes, efforce-toi, toi, de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un homme qui a passé le test, un ouvrier qui n'a point rougi, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est la parole de vérité, c'est qui est en contrepoids avec les 20 discours. Donc, si je débarque de la parole de la vérité, c'est un vain discours, peu importe c'est quoi. C'est pas que je suis en train de parler mon char avec quelqu'un, une auto, c'est pas ça qu'on parle. On est en train de parler de choses qui sont comme de Dieu, mais qui sont pas comme de Dieu. Qui sont en train de discuter ce que Dieu a dit. Pas dans le but de comprendre, mais d'en discuter vraiment. On se demande si c'est vrai. C'est correct. Parce que c'est. Si je le mets dans le contexte des païens, je pourrais dire ce matin, quand j'ai déjeuné, pendant un temps, on a eu des discours vains. Dans le sens que on parlait de température, de maladie, là, si, on va dire c'est vain. Mais c'est pas ça dont on parle. C'est pas ça dont on parle ici. C'est pas ça qui était le problème ici. Là. Parce que j'ai déjà assisté dans des églises. Surtout aux États-Unis, j'allais Je pourrais vous dire que les dimanches matins, c'était des discours vains, complètement vains. Ça n'avait plus rapport du tout avec l'Évangile, avec Dieu. Mais on parlait de Dieu, de Jésus, de ci, de ça, comment il va faire ci, comment... Mais ça n'avait pas rapport avec la Bible. J'ai écouté quelqu'un l'autre jour, un pasteur, pendant une heure, il a prêché, une heure! J'ai jamais ouvert la Bible! T'as passé un discours vain, profane, absurde. Tu me dis juste ce que tu penses. Montre-moi les Écritures. Enseigne-moi les Écritures. Aide-moi à comprendre les Écritures. Je veux pas avoir ton opinion, je veux avoir les Écritures. C'est ça qui est important. Et c'est quand on commence à vouloir, nous, se mettre à la hauteur des Écritures, parce que l'Église catholique, elle a fait ça, l'Église catholique, elle s'est mise en juge des Écritures. Les témoins de Jéhovah, quand je fais ça, c'est parce que ça sort les témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah, ils ont fait la même chose. Ils ont emmené la tour de garde, puis ils l'ont mis au côté, garde. Notre interprétation à nous autres, c'est ça, là. Ça, on amène nos idées, là. Les mormons font la même chose, hein, les petits mormons. Ils arrivaient avec une Bible de 8 secondes, c'est à la table, mais le livre des mormons au côté. Ça veut dire qu'ils ont des... Quand Dieu a dit à un moment donné, là, ça, le livre des mormons, pour nous autres, là, c'est des vains discours. Là. On n'a pas pris ce mot-là, là, mais c'est des choses qu'on ne croit pas. C'est des choses qui, selon nous autres, n'est pas inspirées de Dieu, là. Ça, ben, ils ne reviennent plus, là, c'est fini, là. Mais dans les églises... Moi, j'ai vu les églises se diviser sur un paquet d'affaires qui n'avaient rien à faire avec les Écritures. Je me souviens toujours de Terry Cuthbert, qui était jeune pasteur à ce temps-là, puis il avait dit, « Vous allez éviter bien des problèmes dans les églises si vous changez les globes avant que le monde se plaigne. » C'est une façon de parler. On discutait des choses qui n'étaient pas de Dieu. On en faisait quelque chose de Dieu. Mais ce n'était pas de Dieu. Et ça divise les églises, totalement. Mais c'est plus, on n'est plus en train de parler si Jésus-Christ est mort à la croix, s'il est ressuscité, s'il revient un jour, son espérance. On parle de toutes sortes d'affaires, mais on met Dieu là-dedans, mais c'est pas vraiment les Écritures. On s'est divisé sur la chronologie des événements, mettons pour l'Apocalypse, on s'est divisé là-dessus. Ça n'a pas rapport avec les Écritures. Ça n'a pas rapport. La chronologie, on la lit, puis voici, c'est marqué là. Il n'y a pas de date là, qui nous dit comment ça va arriver. Il faut faire attention de quand on parle de Dieu entre nous, c'est les Écritures. On dispense droitement la parole de la vérité, on se tient aux Écritures, pas juste qu'est-ce qu'on pense des Écritures. Il faut faire attention dans ce sens-là. Donc, dans l'Église, on parle de l'enfer, on a parlé, je ne sais plus combien d'heures, on a parlé des homosexuels, on devrait-tu les accepter, pas les accepter, si tu péchais, pas pécher. On a parlé de ça dans nos églises depuis une décennie qu'on parle de ça. On en a parlé, puis on en parle encore, puis ça n'a pas encore résolu, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le rôle des femmes dans l'Église, là, on en parle. Mais, ouais, on ne sort pas de texte. On ne sort pas les Écritures. On dit, hey, qu'est-ce que les Écritures nous disent? On doit avoir des références des Écritures. Mais on parle de philosophie, on parle de ci, on parle de ça. Il faut vraiment prendre la décision. Vous m'avez entendu déjà le dire. Selon moi, les Écritures, ce n'est pas si compliqué. Ça a été écrit pour des gens comme vous et moi. Des gens qui étaient des cultivateurs, des gens qui étaient bien ordinaires comme vous et moi. Puis on comprend. Nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est de comprendre le contexte dans lequel ça a été dit le mieux possible. Mais les gens qui étaient assis devant Timothée ou devant Paul, c'était nous autres. Là. Donc, si ça avait été nous autres, Paul nous aurait donné quand même l'Épître aux Romains. Il nous aurait donné quand même l'Épître à Thessaloniciens. Ça aurait été la même chose. Il ne faut pas penser que nous autres, on est des ignorants, puis nous autres, on est tout intelligents. Il ne faut pas penser l'inverse non plus. Donc, il dit... Ceux qui se détournent de la vérité, remarquez bien, c'est pas qu'ils vont chercher des choses païennes dans le sens puis les emmener. Ils se détournent, vous l'avez déjà dit, on se détourne avant d'embarquer dans d'autres choses. Ils se sont détournés de la vérité puis ont embarqué dans un mensonge. Parce que tu peux pas le faire autrement, surtout si tu es dans l'Église. Parce que tu as proclamé la vérité, tu as fait profession de foi, tu as dit ça, et tout d'un coup, tu te détournes de ce que tu as entendu. Donc, tu renies ce que tu as entendu et tu te tournes vers quelque chose d'autre. François, question là. Si eux, ils n'ont pas fui les discours vains, fait que là, ils sont mis à penser que Jésus était déjà ressuscité, ça veut dire que quelqu'un qui a fait la job d'être comme Jésus, tu sais, qui a comme imité Jésus, pour qu'eux autres se détournent du Jésus de Paul. Parce que, oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a une quoi qui a amené à... tu m'amènerais, tu me dirais, Jésus est ressuscité, mais là, j'aurais de la misère, ça serait long avant que je croie ça, là, mettons, là. Il faut qu'il y ait des données qui alimentent ça, oui, là. Oui, c'est ça. Puis ça, je vous dis, ça se fait jamais du jour au lendemain. Ça se fait tranquillement, ça se fait lentement. Mais admettons, je vais plus loin, là. C'est que si, admettons, ils savent pas quand est-ce que Jésus va revenir, comment tu fais pour le savoir si... Je le sais que c'est pas le vrai, là. C'est pas ça que je veux dire. C'est que s'il y en a qui disent que Jésus est revenu, c'est pas mieux, mettons, pour Timothée de dire, vous dites qu'il est revenu, bien, venez, mettons, on va aller le confronter, celui qui... Comprends-tu, là? Parce que c'est comme si, là, il y a un vide, là, par rapport... Parce que vu qu'on sait pas quand est-ce que Jésus va revenir, bien, il y a peut-être raison, là, coudonc, on l'a manqué, puis... Oui, t'es en train de partager ton expérience. Si tu dis, lui, dit Jésus est déjà revenu, bien, on va aller voir dans les Écritures qu'est-ce que la Bible dit. Paul, il dit, avant qu'il revienne, voici ce qui va arriver avant. C'est-tu arrivé? Non, il n'est pas revenu. Ah, ben oui, OK. Ouais, c'est pas bien compliqué, là. OK? Si les feuilles ne sont pas tombées, l'hiver ne s'en vient pas, là. C'est pas bien compliqué, là. Même si tu dis que l'hiver s'en vient, puis si je te crois, il y a quelque chose, à quelque part, que j'ai manqué le bateau, là. Donc, mais à quelque part, c'est comme on dit, là, mettons qu'on adhérait, comme certaines églises, on dirait qu'il n'y a plus d'enfer. Ils sont arrivés là, à un moment donné, il n'y a plus d'enfer. Ça influence un paquet d'affaires dans la vie chrétienne, ça, cette décision-là. Si Dieu ne me punit pas éternellement, il nous châtie en Dieu encore? Il nous corrige-tu en tant que chrétien? Il amène-tu des jugements dans le monde encore aujourd'hui? Ben non, Dieu est bon. Dieu ne peut pas amener la guerre, Dieu est bon. Parce que là, on part, on s'en va dans une direction. Fait que si je commence à dire, Don Carson en parlait dans ses discours cette semaine, j'écoutais, il dit l'Église, dans ces années-là que lui, il prêchait, des années 2000, mettons, il dit l'Église ne croit plus que Dieu est souverain dans le monde. Ce qui arrive de mauvais, ça ne vient pas de Dieu. Où on est arrivé là? Je ne suis pas surpris qu'on arrive, qu'on enlève l'enfer. S'il n'y a rien qui arrive de mauvais sur la terre, parce que Dieu ne peut pas arriver quelque chose de mauvais, il ne peut certainement pas envoyer du monde en enfer. Voyons donc, ça n'a pas de allure. Voyez-vous comment ça se fait? Ça se fait des fois sur une génération, là. Ça peut se faire sur 10 ans, 15 ans, là. Ça, c'est comme ça que ça marche. C'est pas toujours comme... Je me suis réveillé, François, il a dit ça la semaine passée, puis là, il dit content, cette semaine, oh non, tu ne me convaincras pas. Ça ne se passe pas de même, là, dans la réalité. Ça se fait d'une longue période de temps, tranquillement. Puis la plupart du temps, comme je vous ai déjà dit, puis qu'on a marqué ici, qu'on l'a vu encore, la plupart du temps, l'Église, quand elle bafouille, comme ici, comme tu viens de voir, Hyménée ou Philette, si je retourne en arrière, je dis, mais t'as compris quoi, toi, de l'Évangile? T'es converti pour quoi, toi? C'est là qu'on va trouver l'erreur souvent. L'Évangile qui est proclamé aujourd'hui, je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est plus l'Évangile que Paul prêchait. Ce n'est plus l'Évangile. On a changé l'Évangile. On en a fait un bonbon pour essayer d'attraper le monde pour qu'il ne puisse pas aller en enfer. On en a fait. On n'appelle plus les gens de tourner de leur vie, de prendre leur fardeau, de charger de leur croix. On ne leur parle plus de se consacrer à Dieu, de servir Dieu. On ne parle plus de ça. Viens Jésus, puis tu vas aller au ciel, puis il va t'aider dans tout ce que tu fais. Puis c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est plus l'Évangile. Donc, ces gens-là là, qui sont dans l'Église avec cette forme d'Évangile-là sont prêts à enlever l'enfer, sont prêts à croire bien les affaires. Et c'est remarquable, quand vous étudiez l'histoire de l'Église, vous allez voir, quand l'Église prend des grandes décisions comme rejeter l'enfer, mettons, ça fait déjà 10-20 ans qu'ils préparent ça, ça en est, là. Pour arriver à dire, parce que c'est important jusqu'à ce point-là, de dire que l'enfer n'existe plus, là. Donc, c'est que Jésus n'en parle si souvent. Mais ils ont pris tout de même la décision. Mais en prenant cette décision, ils n'ont pas l'impression qu'ils renient Jésus, là. Au contraire, pour les autres, il élève Jésus en disant qu'il est bon, qu'il ne peut pas faire ça, il élève. Puis les gens aiment ça en écœurant, tu sais. Jésus est bon, il est gentil, il ne frappe pas personne, il ne punit pas, il n'envoie pas en enfer, c'est ce Jésus-là qu'on veut. Celui qui continue à dire que c'est pas vrai, lui, il se fait... Ouais. Mon propre garçon m'a dit un jour, « Papa, ce genre de Dieu-là que tu enseignes, j'en veux pas. J'en veux pas. » Parle-moi d'un Jésus qui est bon, un Dieu qui est bon, qui fait du bien. Il nous a tous créés, il va tous nous emmener avec lui. Si tu dis que Dieu est notre Père, il est le Père de la création, fallait pas méchant. Parce que là, tu es en train de nous dire qu'il va en avoir plus qu'il va aller en enfer qu'il va aller au ciel. Donc, il dit, Dieu n'est pas correct, là. Tu nous présentes un Dieu méchant, là. Ah non, Dieu est bon. Ah oui, là, ça marche. Si Dieu est bon, là, tout le monde va embarquer là-dedans. Donc, faisons attention de bien présenter l'Évangile. Qui sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est arrivée en renversant la foi de quelques-uns. Donc, voyez-vous, juste, Paul imagine juste une doctrine, la doctrine de la résurrection. Souvenez-vous dans ce que Paul, dans Corinthiens 15, c'était encore la résurrection qui était mise en cause. Si vous ne croyez pas à la résurrection, Jésus n'est pas ressuscité et vous êtes encore mort dans vos péchés. Vous n'êtes pas sauvés si vous reniez la résurrection. Voyez-vous, ce n'est pas « je renie tout ». Non, tu renies la résurrection, mais tu n'es pas sauvé, Paul dit. Hop! Puis ici, il fait la même chose. Ils ont changé la doctrine de la résurrection. Je ne dis pas que c'est la seule, mais je pense que Paul prend un exemple. Et il leur dit que la résurrection est déjà arrivée. Donc, ça veut dire qu'ils renient une résurrection physique, puis probablement qu'ils ont adhéré seulement à une résurrection spirituelle. Passer de la mort à la vie spirituelle, mais il n'y aura jamais de résurrection physique. Probablement, c'est ça qu'on parle, parce qu'ils ne pouvaient pas voir des gens déjà ressuscités là, devant les autres. Ils ne pouvaient pas faire ça. Okay, donc, il parlait probablement de la résurrection, dont Paul parle dans certains textes. Nous sommes ressuscités avec le Christ par le baptême. Donc, on est déjà ressuscités. Il n'y a pas de résurrection à venir. Donc, il dit, non. Il dit, si vous faites ça, vous abandonnez la foi. Vous vous éloignez de la foi. Vous avez renversé la foi. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Donc, il faut faire bien attention quand dans ces choses-là. Mais tout ça, c'est parce qu'on a quelque part se sont amusés avec les vains discours, avec les discours vains, les contes profanes, comme on a vu, les contes de vieilles femmes qu'on avait vu dans l'autre épître. Ils se sont amusés, j'appelle ça de même, moi, avec ce qui n'était pas vraiment de la Bible. J'étais professeur dans l'école publique pendant une année, et j'étais surpris de voir ça, là. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. C'est mes pilules. Ce que j'enseignais aux chrétiens, supposément les petits chrétiens, là, entre guillemets, des enfants des croyants, et ce que j'enseignais aux non-croyants, c'est la science morale que j'enseignais à ce groupe-là. C'est la même chose. Complètement la même chose. Un donnait David comme exemple, puis l'autre donnait Mère Teresa comme exemple. C'était complètement la même chose. Mais il n'y avait plus la Bible. C'est plus la Bible qui était enseignée. C'est tout le monde est pareil, puis c'est une vie morale, puis t'es gentil, tu essaies de faire du bien. Hey, je fais pas de mal à personne, puis on essaie de... Puis c'est ça qui est enseigné dans la... Je vous dirais, vous êtes gentil, 8 églises sur 10 enseignent la moralité présentement au Québec. On enseigne à être bon, d'être gentil, pas faire du mal à personne, se pardonner, faire ceci, faire cela, aider notre voisin, faire ceci, faire cela. On parle de moralité. On ne parle plus de la Bible. On ne connaît pas la Bible, vraiment. Un chrétien, ça ne travaille pas en noir. Hein? On a entendu, un chrétien, ça ne regarde pas la télévision. Un chrétien, ça ne fait pas ci. Un chrétien, ça ne fait pas ça. Un chrétien, ça fait ci. Un chrétien, ça fait ça. Un chrétien, ça fait comme ci. On a enseigné de la moralité, puis j'étais un des coupables de ça. On enseigne la moralité dans nos églises. Je vous dis, prenez n'importe quel prédicateur au Québec, là, écoutez-le là, un dimanche, là, l'ensemble, vous allez voir, c'est la moralité qui est enseignée. On n'enseigne plus les doctrines, les grandes doctrines de la Bible, on ne les enseigne plus. Parce qu'on essaie de faire des croyants, des bonnes personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne leur parle pas d'Exode, on ne leur parle pas de la loi, on ne leur parle pas de ci. On leur dit, faut que tu pardonnes à ton voisin, faut que tu fasses du bien, faut que tu fasses du bénévolat, tu fasses ceci, tu fasses cela. On enseigne la moralité. Un chrétien, ça compte pas de mentir, un chrétien, ça... Mais ça, c'est pas enseigner les Écritures. Là, il dit au verset 20, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. » Il y en a qui prennent la position, « La grande maison, c'est le monde. » OK? Puis il y en a d'autres qui, comme moi, qui vont dire que c'est l'Église. Mais là, il prend un exemple normal. Chez nous, là, les vases de cristal, les vases de vitre, là, taillés un peu, sont dans le buffet, dans la cuisine. Puis dans la toilette, là, il y a d'autres petits bols là, qui sont moins intéressants. Hein? Dans une maison, c'est comme ça que ça marche. Puis, tu vois, dans le sous-sol, il y a d'autres petits bols encore moins intéressants. Donc, moins ils sont intéressants, habituellement, plus on les cache. Hein? Alors, généralement, c'est ce qu'on fait. Hein? Donc, il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Donc, il y en a qu'on met dans le milieu de la table avec des fruits, sont vraiment, on les met là. Plus ils sont beaux, plus on les expose. Hein? Tu n'achètes pas un vase de 300$ et le mettre dans le fond du garde-robe pour mettre tes souliers dedans. Ça ne marchera pas, là. Tu vas dire, mais espèce de pain, tu ne fais pas ça, tu sais. Tu as une boîte de plastique plutôt, tu sais. Le bon sens va te dire ça. Mais si tu mets ta boîte de plastique sur la table et tu mets tes bananes de nez, là, ils nous ont dit, on gagne des parts encore une fois. Il y a de l'intelligence là-dedans, quelque part. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses ici, c'est les vains discours, c'est les discours profanes. OK? Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix et ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voyez-vous cette expression qu'on a vue, cœur pur, conscience pure, foi pure, ça revient constamment. Donc il dit, fuis les passions de la jeunesse. Là je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Timothée? Fuis les passions de la jeunesse. Il est en train de parler d'un gros char. Les passions de la jeunesse. Es-tu en train de parler de quoi? De quoi qu'il parle? C'est quoi les passions de la jeunesse? Si vous en souvenez, c'est quoi les passions de la jeunesse? Les chars, les parties. C'est le voyage, peut-être? Le voyage. C'est quoi les passions de la jeunesse? C'est ça que Timothée vivait? Mm-hmm. Timothée, avais-tu envie de s'acheter un cheval pur sang? Va changer ma picouille pour un beau cheval pur sang. Les passions de la jeunesse. C'est parce que, non. Non. Jeune, il trouve qu'il est passé dedans. Vous ne vous souvenez pas de votre jeunesse? Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune, adolescent, là, du 18, 19, 20 ans? Vous vouliez changer le monde. Vous pensiez être mieux que vos parents. On veut changer. On pense qu'on sait mieux que les autres. Mon père disait, vous allez comprendre un jour. Là, vous êtes jeune, vous pensez que vous savez tout faire mieux que nous autres? Il y a quelqu'un qui écrivait ce matin, vous nous reprochez à nous les vieux qu'on a gaspillé la terre qu'on vous laisse en héritage. Et les jeunes, vous avez tout brisé la terre que vous nous laissez un dépotoir. C'est ça les jeunes, c'est ça la jeunesse. Et les jeunes chrétiens, ça vous dit ce qu'ils font? Ils veulent changer ce que les vieux disent. C'est la tendance des jeunes. Les jeunes sont reconnus dans les Écritures. La jeunesse, c'est un peu plus l'orgueil, le guts, le drive, on veut aller de l'avant, on veut faire des choses. Puis les jeunes, moi, j'ai remarqué quand j'étais jeune, il y avait quelqu'un qui avait dit, il avait donné comme exemple, il dit, un jeune chrétien, là, il saute dans la piscine, puis il nage, là, puis vous envoyez de la broue. Il dit, les mains, les pattes, ça fait de la broue, ça fait de la broue. Il s'en avance pas fort. Il dit, à mon âge, je me contente de rester debout dans la piscine. Puis je suis bien heureux. Les jeunes, savez-vous ce que ça fait, les jeunes? C'est ça que ça fait. On est très actifs. On met notre capacité sur nous-mêmes. On a nos projets. Moi, je me souviens, quand j'ai monté en Abitibi, « Hey, j'avais fait un projet pour l'association, puis partir des églises, puis avoir donc, puis faire ci, puis faire ça, dans les quatre grandes villes. J'avais fait un projet. Wow! » Tout le monde dit, « François, il va faire ça. » J'ai jamais fait ce que j'ai fait sur mon projet. Là. J'étais jeune. On pense qu'on est capable de virer le monde à l'envers. On pense qu'on est capable de faire des grandes choses. On pense que les gens vont se convertir, puis on va faire ci, puis on va faire ça. Il y a bien des missionnaires jeunes qui sont partis en pensant bâtir des grosses églises dans un pays, qui sont revenus, la queue entre les deux pattes, comme on dit, en québécois, avec des petites églises, s'il y en avait des petites églises même. Ça, c'est les jeunes. Quand ils disent « fuir les passions de la jeunesse », ils ne parlent pas de l'immoralité que nous autres, on pense tout de suite, comme tu disais là. Tu sais qu'on a pensé tout de suite. Fuis les femmes, fuis la drogue, fuis la boisson, fuis ça. Non, non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. On pense, nulle part dans la Bible, on voit Timothée et ces problèmes-là. Là. Mais Timothée est jeune. Puis quand t'es jeune, on appelle ça quoi? C'est quoi la grosse difficulté des jeunes de 16, 17, 18 ans dans les écoles? Avec quoi ils se battent le plus? Oui, c'est vrai, il y a un peu d'hormones là-dedans. La pression des pères, qu'on appelle ça. On veut être accepté par tout le monde. On veut être aimé par tout le monde. Et Timothée dit, c'est pas ça maintenant. Fuis les passions de la jeunesse. Même si on va te rejeter, même si on va te diffamer, même si on va rire de toi à cause de ce que tu vas proclamer, proclame-le. C'est la vérité. Mais là, lui, là, Timothée, excuse-moi, il a dit plus que 30 ans, là. Ben, il est en bas. Parce qu'il ne commençait pas leur ministère à 30 ans dans ce temps-là. C'est pas la même chose, tout à fait. Là. Au temps de Jésus, c'était plus de même. Quand Paul l'a emmené, on pense que Timothée était pas mal plus jeune encore. OK, c'était plus tout à fait parfait. Parce qu'on sait d'une chose, il n'était pas marié. On sait d'une chose, il semblait encore vivre avec ses parents. Jusqu'à certains points, est-ce qu'on peut voir? Donc, on pense qu'il était peut-être plus jeune que ça, un peu. Même s'il avait 30 ans, bon, il avait 45 ans, donc il était encore considéré comme un jeune. Ça peut être un sage de 60, 65, 70, 75. Hein, c'est pas encore un grand âge. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Voyez-vous la contrepartie? La contrepartie de la jeunesse ici, c'est les vertus chrétiennes qui sont là. La jeunesse a là ses idées, ses pensées, son idéologie, ses... Laissez-vous avec des jeunes là, qui ont 15, 20, 25 ans. Demandez-leur comment ils voient le monde, qu'est-ce qu'ils pensent du monde, comment ils veulent, qu'est-ce qu'ils vont faire pour changer le monde, pour aimer le monde. Allez voir les jeunes chrétiens qui ont 16, 17, 18 ans. Parlez-leur de la foi. Vous allez voir qu'ils ont toute une autre façon de voir les choses. Hein. Une autre façon de voir les choses. Hein. Ils ne s'assieront pas pour dire, « Papy, ce qu'on veut, nous autres, c'est faire comme les Écritures nous disent. Comme toi. On va juste faire ce que les Écritures nous disent. » S'il me dirait ça, je serais bien heureux. Mais ce n'est pas ça qu'on parle souvent, c'est d'autres choses. Repousse les discussions folles, il revient à ça encore une fois, inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ça, c'est dans l'Église, mes frères et sœurs. C'est pas en dehors, là. Donc, il dit, Timothée, toi, là, au lieu de faire toutes ces grandes discussions-là qu'ils veulent entreprendre avec toi, là, puis qu'ils veulent débattre, là, toi, enseigne les Écritures. Fais juste enseigner les Écritures. Assieds-toi avec eux autres, puis prends les Écritures, puis enseigne les Écritures. C'est tout. Rentre pas dans les débats, comme depuis que je suis dans l'état que je suis. Plusieurs chrétiens m'ont posé la question que, ouais, mais là, c'est, pourquoi tu n'as pas accepté de ne pas rien faire? Pourquoi tu as accepté de rien faire? Ou pourquoi tu prends les médicaments? Pourquoi tu peux juste te laisser aller pour avoir la Seigneur? C'est une discussion. Moi, j'appelle ça une discussion vaine. Une discussion. Ça n'a pas rapport avec les Écritures. Je n'ai pas de texte pour en parler, Noé. Chacun va prendre sa propre décision devant Dieu, avec ce qu'il a accumulé depuis sa conversion. On a accumulé des vérités, des pensées. Chacun est dans une situation différente, que j'ai 40 ans, j'ai 70 ans, j'ai 93 ans, ça peut être tout être différent. Mais ça, c'est de se battre là-dessus, là, puis il y a des chrétiens qui vont te dire, Si tu te fais soigner, tu n'as pas confiance au Seigneur. Le Seigneur dirige les choses. Prie. Prie. Tu vois, le Seigneur peut faire des choses. Si je me mets à me battre avec les autres là-dessus, puis on débat, puis on fait ça, on n'amène rien. Ça va juste faire des querelles. Ça va juste... Si toi, tu penses ça, fallait, ça n'a pas rapport vraiment à ce que les Écritures nous parlent. Donc, mais l'idée de reprendre, voyez-vous, l'idée de, pour Paul à Timothée de lui dire, reprends dans l'espérance qu'ils vont se repentir et qu'ils vont se dégager, parce que les fausses doctrines, ou les, d'abandonner ou de renier les vérités, c'est un piège du diable. Donc, il dit, fais-le, aide-les à revenir à leur bon sens, revenir à la vérité qu'ils avaient déjà fait profession de foi dessus. Revenez à ce que Jésus a dit, ce que l'apôtre Paul a dit. Ils vont se dégager ainsi des pièges du diable. Vous savez, Jésus a dit dans l'Apocalypse, qu'on a vu ça ensemble, il dit quoi? Vous avez dans votre église des doctrines de démons. C'est ça qu'il semble dire. Il n'y avait pas des queues, des cornes, là, avec des sacrifices d'enfants sur l'autel le dimanche matin. Non, non. Mais il y avait des doctrines qui reniaient l'enseignement de Jésus-Christ dans ces églises-là. Donc, le Seigneur puisse nous aider à de dire si je me retrouve avec comme Timothée avec un peu de avoir peur de rougir ou d'avoir honte ou de dire mais qu'est-ce qui cause ça? Pourquoi je suis rendu là? Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça maintenant? De dire je vais essayer de voir ce que Paul a dit dans la deuxième épître, dans ça, chapitre 2. Comment est-ce que je peux mettre ça en pratique, moi, pour pouvoir revenir, ce que j'appelle aux ailes, à la foi, à la fierté. On a des marges de fierté de toutes les sortes aujourd'hui. Là. Des fiertés, comme il y en a une dernièrement là, qui est à Ottawa, c'est la marche pour Jésus qui a rempli ça. Là. C'était des milliers dans les rues. C'est tous les chrétiens qui marchent pour Jésus, ils disent. Toutes sortes de chrétiens. On peut même battre avec les autres, savoir si c'est-tu bon, si c'est-tu pas bon. Ça n'a pas rapport avec les Écritures. Mais que ça puisse nous aider à dire, à s'examiner et dire, est-ce que je suis fier? Puis si je suis fier, est-ce que je le fais, je le montre, je l'enseigne, je le dis? Ou si c'est non, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie pour que ça arrive là? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse arriver à la place de me sentir mal si je parle de Jésus à quelqu'un? De me sentir... ou que j'en parle pas du tout parce que je ne me sens pas bien. Le Seigneur peut nous aider à se fortifier, si je peux dire ça, dans la grâce qui est en Jésus-Christ, de méditer, de prendre le temps de s'asseoir et de méditer sur ce que Jésus a fait pour chacun de nous. On va le faire avec le repas du Seigneur ici, mais ça, c'est 10 minutes sur 168 heures. 15 minutes sur 168 heures. Je peux vous dire que ça ne suffit pas pour rester debout. Il faut méditer un peu plus souvent que ça pour rester debout, afin de pouvoir combattre l'ennemi qui vient dans tous les sens, toutes les directions. Notre propre chair qui vient dans toutes les directions aussi, qui amène ses arguments contre l'Évangile. Qu'est-ce qu'il y a pour nous aider à terminer la course, comme il dit. Terminer la course et dans la joie, dans la fierté, dans la paix avec Dieu. Terminons dans la prière. Notre bon Père du ciel, je te remercie que l'apôtre Paul a eu le courage de le dire à Timothée tel qu'il en était. Il a eu le courage d'exposer ce qui était faux. Il n'a pas eu peur de dire qu'il y avait des vains discours, des discours profanes, et qu'on devait s'en détourner ou devait les éviter. Donne-nous de la sagesse, Seigneur aussi, de ne pas se laisser avoir par des gens qui professent la foi, mais qui, en même temps, enseignent d'autres choses que la foi, d'autres choses que l'Évangile. Donc, Seigneur, donne-nous d'être attentifs à ce qu'on écoute, à ce qu'on lit, surtout quand ça s'est présenté au nom de Jésus. Et qu'on puisse, Seigneur Dieu, terminer la course. Et si on termine la course, c'est la meilleure façon de te glorifier, de te dire, C'est toi qui es le plus important, c'est toi qui es le plus grand, c'est toi qui vaut la peine qu'on souffre, qu'on meure pour toi, c'est le faux. Mais qu'on meure dans la foi transmise par Jésus et les apôtres. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci François, encore une fois, pour cet enseignement. Je demanderais à Céline de lire les versets 11 à 22 dans Éphésiens 2. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Il est réconcilié avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Merci, Céline. Quel beau passage, n'est-ce pas? Le verset 2, il dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances, de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est ce que nous étions. » Mais le verset 13, il dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est ce que nous sommes. Il sait ce que l'on veut se souvenir. Il a donné son sang pour satisfaire la colère et la justice de Dieu son Père. Nous sommes devenus, dès à présent, maintenant, présentement, nous sommes des serviteurs de ce grand Dieu. Comme on a besoin de s'arrêter pour réaliser que nous sommes des serviteurs de ce grand Dieu. Pour que cela puisse se faire, que nous devenions des serviteurs, il a fallu que Jésus aille jusqu'à la croix. Je demanderai à Yvon et Chantal s'ils veulent passer les éléments. On va prendre le repos. Merci. Souvenons-nous de ce que ça nous coûtait à Jésus pour que nous, aujourd'hui, nous soyons rassemblés ensemble entre frères et sœurs et se rappeler. Souvenons-nous de ce Jésus, par où il est passé, ce que ça lui a coûté. Le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, il a pris le pain, il le sépara, il le partagea avec ses disciples en disant, « Ceci est mon corps livré pour vous. Mangeons. » Même à la fin du repas, il prit la coupe, la partagea également avec ses disciples en disant, « Ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Buvons. » Vous avez écouté un chant, et après on prendra, si vous voulez, quelques instants pour méditer. Et ceux qui le désireront après pourront s'adresser au Seigneur. Notre bon Père du ciel, ce texte nous rappelle qu'on était errants dans le monde. Nous n'avions aucune raison de justifier notre séjour ici-bas, comme des milliards d'autres personnes qui ne savent pas qu'est-ce qu'on fait ici sur la Terre, pourquoi qu'on est là, qui essayent de trouver une réponse dans les étoiles ou dans les planètes ou ailleurs. Nous étions errants. On vagabondait, on avait des occupations seulement humaines et mondaines. Mais tu as changé tout cela. Tu as changé tout cela par ta mort à la croix. D'étrangers, nous sommes devenus des enfants. Nous sommes devenus des serviteurs. Et spirituellement, présentement, nous vivons dans ta présence. Et même à partir d'ici, on est un peu ébloui de ta grandeur. Mais le moment vient. Comme les anges, on mettra nos mains devant la face. On dira, gloire à Dieu. Alléluia. On va finalement voir la réalité. Peux-tu nous donner, Seigneur, de toujours se rappeler, c'est à cause de ta grâce. C'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Et qu'on joigne ça à ce qu'on a vu cet après-midi. Donne-nous la grâce de se fortifier dans la grâce qui était en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Comme tu es grand, Seigneur, de penser, de se rappeler que toi, le grand Dieu, le Créateur de toutes choses, un jour, tu as décidé de te faire homme et de venir sur cette terre. Dans le but d'établir ton royaume. Seigneur, je te prie que de jour en jour, Seigneur, je me fortifie en me rappelant la grâce que tu m'as offerte en Jésus-Christ. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Dieu, nous sommes ton Église. C'est toi qui l'as décidé ainsi. Et on ne veut pas s'éloigner de ce que tu as mis comme base. Puis on est content d'entendre ce que tu as dit, ce que Paul a dit à Timothée, mais aide-nous de le faire, Seigneur. Merci pour nous rappeler que tu es toujours le centre, qu'on doit se rappeler ta grâce, de se rappeler les fondements qu'on a eus. C'est, si tu le dis, c'est parce que c'est facile pour nous d'aller vers d'autres choses. Merci Dieu. Amen. Merci. Merci François. Gaïa. Tu l'as arrêté. Je sais, excuse-moi.